J'suis toujours outsider, pas de démarrage en pôle. Position relou comme un démarrage en côte. On est dans les parages, on rôde et vite la collision. On est assis dans un Audi A6 en feu de position. Hey, j'écoute vos auditions et vous me foutez la rage entre autres. Nous, pour qu'on nous écoute, on saute les barrages, on fraude. On me voit de loin car mes URH sont jaunes. T'es pas prêt, tu t'arraches, les rues Paname sont chaudes. Toujours classe en 4 contrôle. Relou quand le prof disait asseyez-vous en classe contrôle. On jette des billets par là, des billets par ci. Salaire multiplié par 4, divisé par 6. Ici bas tous payent, même si t'as pas de seille. On te ramènera la note et elle manquera pas de sel. Je mange pas de quenelle, débarrasse l'assiette. On va faire tapiner ta femelle dans le parasite. Là le titre qu'on ne fait qu'entre frères. Pas de fit entre le pen et l'oncle Benz. J'attends le jour de paye, je paye une gourde pleine à mes frangins, frangins, frangins. Là le titre qu'on ne fait qu'entre frères. Pas de fit entre le pen et l'oncle Benz. Pas d'embrouille pour le zèle, je ferai une lourde peine pour mes frangins, frangins, frangins. J'ai jamais fait de solfège, je sais pas lire une partition. Mais je peux t'assurer que je connais la musique. Depuis mes débuts, je n'ai fait que du sale à chaque apparition. T'as des doutes, tu peux demander à Fugit. Une seule dose de John Dope suffit et c'est l'addiction. Je défonce comme le shit venu des montagnes du Rif. Paris Est, chez nous, kicker c'est une tradition. On est les best un jour ou l'autre, faudra que tu piges. Tester c'est mettre ta vie en jeu. Tu savais pas que j'étais si dangereux. Je prends la prod, je la plie en deux. T'ouvrais grand ta gueule, mauvaise idée, tu n'assumes plus. T'aurais mieux fait de rester silencieux. Jack Daniel, c'est Jack Error, m'aide à concevoir mes versets. Oui, je suis dans ces sales mélanges. Je mets à l'amende tous tes rappeurs, je suis trop paresseux pour percer. Je gratte seulement quand ça me démange. Là, le titre qu'on ne fait qu'entre frères. Pas de fit entre le pen et l'oncle Benz. J'attends le jour de paye, je paye une gourde pleine à mes frangins, frangins, frangins. Là, le titre qu'on ne fait qu'entre frères. Pas de fit entre le pen et l'oncle Benz. Pas d'embrouille pour le zèle, je ferai une lourde peine pour mes frangins, frangins, frangins. Je prends ma vie en main, je suis pas une petite rêveuse. Pour faire gonfler ma bourse comme une bite veineuse. Réussite et bonheur, jamais je quitte déieuse. J'ai le bruit des bifetons pour une nid perceuse. Tu claques ta bête, tes aztecs. Hélas, ma main, t'es à sec. Je lâche la bête, mais pas le steak. Je crache ma haine, c'est l'aztec. Tu me verras pas dans un maillot de l'OM. Arrête de raconter ta vie, c'est pas notre problème. Pourquoi tu grimaces ainsi? Je fais des crimes insensibles. J'arrive en trompe, te percute avec des rimes assassines. Arrête la zic, les dépenses à perte. Même si c'est douloureux pour toi, il faudra que tu penses ta plaie. J'avance à pas de géant, je vois rien par le néant. Je bouffe des kilomètres, ouais, j'avale de l'essence. Une tête brûlée derrière des verres fumés. J'ai des principes derrière lesquels je reste muré. Là le titre qu'on ne fait qu'entre frères. Pas de fit entre le pen et l'oncle Benz. J'attends le jour de paye, je paye une gourde pleine à mes frangins, frangins, frangins. Là le titre qu'on ne fait qu'entre frères. Pas de fit entre le pen et l'oncle Benz. Pas d'embrouille pour le zèle, je ferai une lourde peine pour mes frangins, frangins, frangins.